Chapitre 7e. Dubos obtint enfin la permission de paraître en justice avec promesse que ce qu'il pourrait dire ne serait pas à sa charge, et il accompagna Lamothe devant les juges. Lorsque cet homme parut, plusieurs personnes présentes observèrent la confusion du marquis de Montalt, et Lamothe particulièrement, qui tira de là un présage favorable pour lui-même. Quand Dubos fut interrogé, il informa la cour que dans la nuit du 21 avril de l'année précédente, un appelé Jean d'Aunois, qu'il connaissait depuis plusieurs années, était venu chez lui. Qu'après avoir conversé pendant quelque temps sur leur situation, d'Aunois lui avait dit qu'il connaissait un moyen par lequel Dubos pourrait changer toute sa pauvreté en richesse, mais qu'il n'en dirait pas davantage, à moins qu'il ne fût certain qu'il voulût l'adopter. L'état de détresse dans lequel se trouvait alors Dubos lui avait fait désirer de connaître quel était ce moyen qui devait ainsi le tirer d'embarras. Il avait prié son ami, avec chaleur, de s'expliquer, et au bout de quelque temps, d'Aunois s'était ouvert à lui. Il dit qu'il était chargé, par un seigneur, qu'il informa ensuite Dubos être le marquis de Montalt, d'enlever une jeune fille du couvent et de la conduire dans une maison à quelques lieues de Paris. « Je connaissais bien la maison qu'il me décrivit, » ajouta Dubos, « car j'y avais été plusieurs fois avec d'Aunois, qui demeurait pour se soustraire aux poursuites de ses créanciers, quoiqu'il passât souvent la nuit à Paris. » Il ne voulut rien découvrir davantage de son projet, mais dit qu'il aurait besoin d'aide, et que si moi et mon frère, morts depuis, voulions le joindre, celui qui l'employait n'épargnerait pas l'argent, et que nous serions bien récompensés. Je désirais en savoir davantage, mais il s'opiniâtra à garder le silence, et lorsque je lui eus dit que je m'aviserais, et quand j'en parlerais à mon frère, il s'en alla. Quand il revint, la nuit suivante, mon frère et moi acceptâmes ses offres, et nous l'accompagnâmes en conséquence chez lui. Il nous dit alors que la jeune demoiselle qu'il devait amener dans cet endroit était une fille naturelle du marquis de Montalt et d'une religieuse du couvent des Ursulines, que sa femme avait pris l'enfant le jour de sa naissance et avait eu une bonne pension pour l'élever comme le sien, ce qu'elle avait fait jusqu'au jour de sa mort, que cette fille avait été alors mise au couvent et destinée à prendre le voile, mais que, lorsqu'elle fut d'âge à faire des vœux, elle avait constamment refusé de les faire. Que cette circonstance avait tellement irrité le marquis que, dans sa colère, il avait ordonné que si elle persistait dans son opiniâtreté, il fallait la retirer du couvent et s'en défaire d'une manière ou d'une autre, puisqu'en vivant dans le monde, sa naissance pourrait être découverte et qu'en conséquence, sa mère, qui l'aimait encore, serait condamnée à expier son crime par une mort terrible. Dubos fut interrompu dans sa narration par l'avocat du marquis, qui soutint qu'il était illégal et indécent de rapporter de pareilles circonstances afin d'inculper son client. On lui répondit que cela n'était ni illégal ni indécent, parce que les circonstances qui mettaient au jour le caractère du marquis atténuaient son témoignage contre Lamothe. On permit à Dubos de continuer. D'Aunois lui dit alors que le marquis lui avait ordonné de la mettre à mort, mais qu'accoutumé à la voir depuis son enfance, il n'avait pas eu la force d'exécuter cet ordre, et l'en avait informé par lettre. Le marquis lui avait alors commandé de trouver quelqu'un qui voulût le faire, et que c'était pour cela qu'il avait besoin de nous. Mon frère et moi n'étions pas assez méchants pour commettre un pareil forfait, et nous le dîmes à d'Aunois. Je ne pus même m'empêcher de lui demander pourquoi le marquis voulait faire mourir son enfant, plutôt que d'exposer sa mère à être condamnée à mort. Il répondit que le marquis n'avait jamais vu son enfant, et que conséquemment, il n'était pas à supposer qu'il eût beaucoup d'amitié pour elle, et encore moins qu'il l'aimât plus qu'il n'aimait sa mère. Dubos continua de raconter combien lui et son frère avaient fait d'efforts pour attendrir d'Aunois sur le sort de la fille du marquis, et ajouta qu'ils lui persuadèrent enfin d'écrire de nouveau et de plaider sa cause. D'Aunois était allé à Paris pour attendre la réponse, les laissant avec la jeune demoiselle à une maison dans la Bruyère, où ils étaient convenus de rester, en apparence pour exécuter les ordres qu'il pourrait recevoir, mais dans le fait pour sauver la victime dévouée à la destruction. Il est probable que Dubos, dans cet endroit, ne découvrit pas son véritable dessein, puisqu'en supposant qu'il eût l'intention de commettre un meurtre, il était naturel qu'il fît ses efforts pour le cacher. Quoi qu'il en soit, il assura que de la nuit du 26 avril, il reçut ordre, de la part de d'Aunois, d'assassiner la fille qu'il avait ensuite remise entre les mains de Lamothe. Lamothe écouta cette relation avec le plus grand étonnement. Quand il sut qu'Adeline était fille du marquis et qu'il se rappela le crime que celui-ci avait eu dessein de commettre, il frémit d'horreur. Il continua alors l'histoire et ajouta une relation de ce qui s'était passé à l'abbaye entre lui et le marquis et du dessein de ce dernier de faire périr Adeline, donnant pour preuve de la malice des poursuites actuelles qu'elle n'avait été commencée qu'après qu'il eût délivré Adeline des mains du marquis. Il conclut néanmoins en disant que comme le marquis avait sur le champ envoyé des émissaires après elle, il était possible qu'elle eût encore été victime de sa vengeance. Le conseil du marquis essaya de nouveau de faire rejeter ce témoignage, mais ses objections ne furent point admises par les juges. Tout le monde remarqua l'agitation extraordinaire de M. de Montalt pendant le récit de Dubos et de Lamotte. La cour suspendit le jugement de ce dernier, mit sur le champ le marquis en état d'arrestation, et donna ordre de faire chercher Adeline, nom qui lui avait été donné par sa nourrice, et Jean d'Aunois. En conséquence, le marquis fut arrêté au nom du roi et envoyé en prison jusqu'à ce qu'Adeline parût, ou qu'il fût prouvé qu'elle avait été assassinée par ses ordres, et jusqu'à ce que d'Aunois confirmât ou invalidât le témoignage de Lamotte. Madame Lamotte, qui avait à la fin découvert la garnison de son fils, l'avait instruit de la situation de son père et des progrès de la procédure, et comme elle croyait qu'Adeline, si elle avait eu le bonheur d'échapper aux émissaires du marquis, était encore en Savoie, elle écrivit à Louis d'obtenir un congé et de l'emmener à Paris, où sa présence était immédiatement nécessaire pour confirmer les dépositions des témoins et probablement pour sauver la vie de Lamotte. Aussitôt que Louis eut reçu cette lettre, qui était arrivée le jour que Théodore devait être exécuté, il était allé chez le commandant pour demander un sursis jusqu'à ce que la dernière volonté du roi fût connue. Il avait fondé sa requête sur l'arrestation du marquis de Montalt et avait montré la lettre qu'il venait de recevoir. Le commandant avait volontiers accordé un sursis, et Louis, qui à l'arrivée de cette lettre n'avait pas voulu en communiquer le contenu à Théodore, de peur de lui donner de fausses espérances, se hâta de lui apporter cette consolante nouvelle.